sable brune. Le vent me gifle, un cow-boy nu, jeté dans l'invisible. Pas d'armes, pas de foi, juste mes deux mains. Reste ma queue comme un désert sans fin. Je ramasse la pierre, je casse du bois. J'entends déjà l'écho des lois. Tunnel et Walring brille au loin. Un nouveau Far West, mais personne m'étreint. Naked on the shore, I was born for war. Cowboy Los Angeles, but I rise eyes once more. Le feu craque, les chevaux hennissent, les éperons teintent, mais pas s'inscrivent. Les corbeaux planent au-dessus des champs. Riders qui l'avance, le regard tranchant. Je tombe, respawn, la douleur me forge. Dans ce monde rouillé, je trace ma gorge. Chaque balle, chaque cri, chaque flèche forge un cowboy qui renaît de ses cendres fraîches. Naked on the les tambours résonnent. Rust est un désert où l'ouest m'emprisonne. Mais le cow-boy nu devient légende. Riders qu'il avance, la terre tremble et gronde.